Madame de la Guette par Paul de Musset. Chapitre 1er. Il y avait en 1612 un gentilhomme d'un âge déjà mûr, qui était une vraie figure de ce temps-là, barbe rousse, moustache longue, visage maigre, la peau comme du parchemin, l'œil rond, petit et flamboyant, le juste au corps de buffle, les bottons toute saison et la rapière à l'ancienne mode. Il avait vu plus de 20 batailles, et son corps s'était desséché, en plein vent, au service du roi. Il était dur et violent. Il se serait fait hacher plutôt que de changer d'opinion sur quoi que ce fût, et levait à tout propos la canne sur ses valets. Il se nommait Murdrac. À 45 ans, sa constitution étant ruinée par les rhumatismes, il quitta l'armée et se retira en Brie, près de Grosbois, où demeurait le vieux duc d'Angoulême, à qui il avait longtemps appartenu. Ce duc d'Angoulême était le fameux bâtard de Charles IX et de Marie Touchet, dont on a dit qu'il eût été l'un des plus grands hommes de son temps s'il eût pu se défaire de l'habitude de voler et de fabriquer de la fausse monnaie. Murdrac se fit bâtir à Mandres, près de Grosbois, une bicoque avec tourelles et grenouillères qu'il appela son château. Et quand il eut mis des meubles, il voulut aussi avoir une femme. On lui trouva une demoiselle de Paris, âgée de 25 ans, jolie, bonne et douce. Ils se marièrent, et dès le mois de février 1613, le ciel leur accorda une petite fille qui eut le bon esprit de prendre pour elle la beauté de sa mère, mais qui hérita aussi du caractère endiablé de monsieur son père, ce qui en fit une de ces personnes, comme on n'en voit plus, et qu'on appelait alors femme vaillante. Mademoiselle Jacqueline de Murdrac montra dans sa petite jeunesse ce qu'elle serait un jour, car elle nageait intrépidement dans la rivière d'Hier, montait à cheval comme un lansquenet, et se moquait des filles de monsieur de Varannes, qui avait peur des armes à feu et n'osait pas tirer au mousqueton avec elle. Son père, lui ayant demandé ce qu'elle voulait apprendre en art d'agrément, elle le pria bien fort de lui donner un maître d'escrime. Il y consentit, et au bout d'un an, elle était déjà si habile que les gentilshommes du voisinage venaient jouter aux fleurets avec elle, et ne s'en allaient point sans avoir reçu quelques bottes dans le corps. À 18 ans, comme elle était d'une beauté remarquable, et qu'au milieu de ses lutineries elle conservait toutes les grâces de son sexe, beaucoup de jeunes gens qui entendirent parler d'elle dans le pays vinrent rôder à Grosbois pour la rencontrer. Lorsqu'elle allait à la messe, on voyait sur la place de l'église plus de chevaux de selle et de chapeaux à plumes qu'il n'y en avait à deux lieues à la ronde, ce qui prouve qu'on venait de fort loin exprès pour elle. À cette heure-là, elle se tenait modestement à côté de sa mère, et lisait dévotement ses prières. L'on n'aurait guère reconnu en elle une amazone turbulente. Aussi les jeunes gens que la curiosité ou l'envie de railler avaient conduits à l'église s'en retournaient, les uns édifiés, les autres amoureux. Trois ou quatre de ses cavaliers la firent demander en mariage à monsieur de Murdrac, mais elle supplia à son père de ne pas la presser encore, et comme ses épouseurs n'avaient pas de grand bien, le bonhomme n'insista point. À force de faire réponse à ceux qui parlaient amour et mariage, que son cœur ne lui disait rien, elle s'était déjà imaginé qu'elle voulait vivre et mourir vierge. C'est une idée que les jeunes filles adoptent volontiers quand elles sont bien sûres d'y pouvoir manquer aussitôt qu'il leur plaira. Soit à cause de ses propos, soit pour sa ressemblance avec Jeanne d'Arc, on l'appelait par toute la Brie la pucelle de Grosbois. Monsieur d'Angoulême l'aimait beaucoup. Il invitait souvent les Murdrac à venir manger chez lui, et s'amusait à taquiner la demoiselle, en équivoquant sur les mots, mais elle, qui n'aimait pas les discours malhonnêtes, répondait en pucelle et non pas en femme vaillante. Elle relevait si décemment les équivoques du prince, sans toutefois lui manquer de respect, qu'il finissait toujours par être confus de sa grossièreté, et lui donnait quelques petits présents pour faire sa paix. Cependant l'époque était proche où cette fière beauté devait se montrer moins inhumaine et trouver un maître. Dans la plaine de Brie demeurait un brave et aimable gentilhomme, nommé La Guette, ayant la figure belle, 28 ans, une bonne réputation, un nom respecté des gens de l'endroit, et auquel il avait donné récemment de l'éclat en se battant dans la campagne de Lorraine. Il était bien fait, généreux et entreprenant. Ces qualités-là regardaient la fille, et pour contenter le père, il avait du bien. Mais il était violent, et avait le cœur si haut placé dans la poitrine, qu'au moindre mot, il ne se connaissait plus. Cet emportement était dangereux dans le métier de prétendant, avec un beau-père colérique. On le savait si bien aux environs qu'on disait « Si jamais Murdrak et la guette ont maille à partir ensemble, il y aura du vacarme à gros bois. » La première fois que Jacqueline vit M. de la Guette, ce fut chez le duc d'Angoulême. Ce jeune cavalier se trouvait dans le cabinet du prince lorsque tous les Murdrak y vinrent en visite un matin. La Guette ne dit mot, mais il ne quitta point la demoiselle du regard, et au bout de 5 minutes, lorsqu'il se retira, il adressa un salut si courtois à la mère et à la fille que Jacqueline en rougit jusqu'aux yeux. Cependant, quand elle fut remise de son trouble, elle demanda tout bas à une dame qui était ce gentilhomme qui sortait. Monsieur d'Angoulême entendit la question et fit lui-même la réponse. « C'est un cavalier riche et que j'aime bien. Je suis charmé qu'il vous plaise. La rougeur que je vois sur vos joues prouve que vous le trouvez beau, et vous avez le goût excellent. Je lui dirai l'effet qu'il a produit sur vous. » On peut juger à ces paroles si la pucelle de Grosbois devint plus rouge encore. Le vieux Murdrak se mit à rire, et les assistants répétèrent que la Guette avait bonne chance. À quelques jours de là, notre gentilhomme ayant rencontré le père à la chasse, l'aborda civilement et fit amitié avec lui. Ils entrèrent ensemble au château, ce qui transporta de joie la demoiselle, qui les vit par sa fenêtre. La Guette resta 2 heures à Murdrak, et causa en homme de bonne compagnie. Les jours suivants, il revint encore, et à l'une de ses visites, il trouva enfin occasion de parler en particulier à Jacqueline en se promenant dans le jardin. « Excusez-moi, mademoiselle, dit-il, je suis trop franc du collier pour prendre des détours. Cet instant est précieux. Je suis venu pour vous déclarer que je vous aime. Bien des fois, j'avais juré de ne jamais me marier, et dès que je vous ai vu, j'ai senti qu'il fallait rabattre de mes serments et tomber parmi les esclaves de l'amour. » Jacqueline ne fit d'abord que balbutier, comme le doit une honnête fille. Elle reprit ensuite ses sens et répondit que c'était une folie que de jurer de n'aimer jamais, qu'elle avait aussi commis cette faute, mais qu'elle s'en repentait déjà. Et le cavalier lui ayant demandé avec feu si c'était à cause de lui, elle lui dit fort gentiment que si c'était pour un autre qu'elle eût le cœur troublé, ce serait à cet autre et non pas à lui qu'elle en ferait la confidence. Ils en vinrent tout de suite au serment de fidélité, comme des gens qui sentent le prix du temps, et on convint que le lendemain le jeune homme ferait sa demande au père. La Guette avait son château à Suy, qui était un village à 2 lieues de Mandres. Il ne vint pas le lendemain. Jacqueline en était fort inquiète, lorsqu'elle reçut en cachette par un garçon de ferme un billet de son amant. Il lui annonçait avec un grand désespoir que l'ordre de rejoindre son régiment lui était arrivé et qu'il avait la douleur de partir sans revoir sa maîtresse, mais qu'elle entendrait parler de lui si Dieu le permettait et qu'aussitôt la campagne achevée, il reviendrait l'épouser. Jacqueline pleura un peu d'abord, puis elle prit son grand courage et se réjouit d'aimer un brave militaire qui rapporterait de la gloire pour lui faire plus d'honneur et qui penserait à elle au milieu des batailles. Afin de passer le temps de l'absence selon ses goûts, elle prit de l'exercice, monta beaucoup à cheval, sauta les fossés et les rivières comme un démon, et tira des coups de mousqueton au chevreuil dans le parc de M. d'Angoulême. C'était à l'époque de l'affaire de Nancy. La campagne de Lorraine dura environ 3 mois, au bout desquels la Guette revint couvert d'applaudissements et capitaine d'une belle compagnie d'ordonnance. Dès le lendemain de son retour en Brie, notre gentilhomme s'habilla galamment et se présenta au château de Mandres. Les voies lui étaient préparées d'avance. Jacqueline avait tout conté à sa mère, qui approuvait ce mariage. La bonne dame était une personne de grand sens. Elle conseilla au jeune homme de faire lui-même sa proposition au père, et lui recommanda surtout d'y mettre beaucoup de douceur, et de ne pas s'effrayer si M. de Murdrak commençait par refuser. Elle assura qu'il ne fallait point heurter de front un caractère aussi têtu, et qu'on obtiendrait tout de lui par longueur de temps. La Guette promit qu'il serait soumis. Le respect dont il était pénétré pour le père de son ami était un sûr garant de sa patience, au cas où il s'élèverait quelque obstacle. On lui ouvrit donc la porte du cabinet où M. de Murdrak comptait avec son fermier. Notre gentilhomme y entra sur la pointe du pied, en faisant signe au père de ne pas se déranger, et il s'assit dans un coin en attendant que le conte fût achevé. « Je suis à vous sur l'heure, » dit le bonhomme. et tout en écrivant ces chiffres, il demanda poliment au cavalier s'il était satisfait de sa campagne. Cependant, il s'embrouilla dans les calculs en écoutant la réponse. Il jeta sa plume au nez du fermier, en lui disant de revenir plus tard, et se tourna vers Laguette en s'écriant, avec une impatience que le désir d'être civil déguisait formal, « Causons donc de sornettes, puisque les affaires sont interrompues. » Notre jeune homme sentit le feu lui monter aux oreilles, mais il se contint de toutes ses forces et débita un compliment dont il se tira de travers. Entre gens de même caractère, il faut qu'on s'aime dès l'abord ou qu'on se prenne en aversion. Il n'y a point de milieu entre les sentiments extrêmes, et c'est souvent un hasard de rien qui décide si la balance penchera pour l'amitié ou pour la haine. Le succès de notre cavalier tenait donc à un cheveu. D'un mot, il pouvait gâter ses affaires et se mettre à lui-même sans bâton dans les jambes, faute d'un peu de douceur.